Bonsoir. Heureuse, après 2 mois d'absence, de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Autant en emporte l'histoire. Aujourd'hui, 1940, Irène Joliot-Curie et la bataille de Lourdes. Septembre 1939, le début de la Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps, une autre guerre, plus souterraine mais ô combien cruciale, se joue entre la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. C'est la course à la bombe atomique. Une histoire qui, on l'oublie, bien avant le projet Manhattan, avait débuté en France avec les travaux d'Irène et Frédéric Joliot-Curie. Février 1940, coup de théâtre. Alors que la Norvège est menacée d'une invasion allemande, les Joliot-Curie alertent le gouvernement français. En effet, l'eau lourde, élément indispensable à la recherche atomique, est produite exclusivement en Norvège. Impossible de la laisser aux nazis. Une opération de commando est alors menée, qui, dans des conditions rocambolesques, permettra d'exfiltrer 26 bidons d'eau lourde vers Paris. Et lorsque la France, à son tour, sera envahie, les 26 bidons, comme les Joliot-Curie, prendront la route de l'exode. C'est cette étonnante course contre la montre que je vais raconter ce soir, à travers le regard d'Irène Joliot-Curie, qui, comme sa mère, avait foi dans les bienfaits de la science. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Hervé Bruneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes romancier et poète. L'histoire de la bataille de l'eau lourde et des Joliot-Curie pendant la Seconde Guerre mondiale, vous la connaissez bien puisqu'elle vous a inspiré un roman, Au plus cher de nos vies, qui a été publié le printemps dernier. Et c'est vous qui avez écrit la fiction de ce soir. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette histoire vraie ? Je pense que c'est une histoire fondamentale du XXe siècle déjà. Ils ont porté sur leurs épaules ces deux époux, un secret qui était peut-être le plus important pour l'humanité à ce moment-là. Donc je ne l'ai pas découvert directement, on en parlera un peu plus tard, mais c'est venu d'abord du séjour d'Irène Joliot-Curie dans un sanatorium qui est aussi une cité utopique. Et en tirant les fils, j'ai remonté toute cette histoire de l'eau lourde. Parce que cette cité utopique, Clairvivre, se trouve pas très loin de là où vous habitez, à Périgueux. Voilà, elle se trouve au fin fond du Périgord et ça a été un projet colossal qui a été mené dans les années 20 et les années 30 par un homme qui s'appelait Albert Delsuc, qui voulait vraiment en faire, en plus d'un sanatorium tout à fait moderne, un lieu où pourraient se concrétiser toutes les avancées sociales et technologiques. Et c'est aussi pour ça que ce lieu a plu à Irène Joliot-Curie et à son mari Frédéric Joliot-Curie. Alors avant d'entrer de plein pied dans cette histoire, pourriez-vous nous rappeler, Hervé Bruneau, qui sont Irène et Frédéric Joliot-Curie en 1940 ? Alors en 1940, ce sont devenus de vraies stars médiatiques. Il faut bien se remettre à l'idée qu'à l'époque, les chercheurs, surtout les chercheurs nucléaires, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue d'important là, hein, pour tout le monde, pour la France, pour le monde entier. Ils sont vraiment à la pointe, ce sont des stars. Ils publient dans des revues, il y a une grande concurrence entre eux, même s'il y a une grande collaboration aussi, une coopération entre eux, entre tous ces chercheurs internationaux. Mais c'est à celui qui fera la première publication, la première invention, tout va très vite. Et on sait que la carotte de tout ça aussi, c'est le prix Nobel. Parce que dès qu'il y a une avancée conséquente qui est faite dans ce domaine, on a de bonnes chances d'avoir le prix Nobel. Et Irène est à bonne école, puisque évidemment, ses parents l'ont eu, sa mère l'a eu deux fois. Donc, donc ses parents, évidemment, Marie et oui. Pierre Curie, et donc Irène et son mari, Frédéric Joliot-Curie, l'ont eu aussi en 1935, le prix Nobel de chimie. Voilà, il décroche le prix Nobel de chimie en 1935 pour la découverte de la radioactivité artificielle. Et donc, à partir de là, Irène est presque l'égale de sa mère. Elle a une notoriété extraordinaire et Frédéric Joliot-Curie aussi est considéré comme le leader du peloton international des chercheurs atomistes. Un couple assez moderne aussi, elle est engagée, elle travaille, elle est donc scientifique au même titre que son mari. Et puis, par ailleurs, c'est une femme engagée, une femme qui milite contre le fascisme et qui est aussi une féministe sans être militante, mais de fait, puisqu'elle a été quelques mois la sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique dans le gouvernement de Front Populaire en 1936. Voilà, c'est cela aussi qui m'a intéressé, c'est cette modernité dans leur couple. Elle est quand même la première femme ministre, elles sont trois dans le gouvernement du Front Populaire, à une époque, il faut le rappeler quand même, que où les femmes n'ont pas encore le droit de vote. Oui. Donc elle est déjà... Elles sont à peine citoyennes. Oui, voilà, citoyennes de seconde zone, presque. D'ailleurs, après la guerre, elle essaiera de rentrer à l'Académie des sciences, on lui refusera toujours. La première femme qui rentrera à l'Académie des sciences, je crois que c'est en 62. Irène est un petit peu la porte-parole aussi des femmes dans plusieurs domaines. Et ils ont deux enfants, Hélène et Pierre, 13 et 8 ans, je crois. crois, en 1940. Ils travaillent tous les deux ensemble, donc beaucoup, Irène et Frédéric Joliot-Curie. Mais à ce moment-là, toujours juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, où en est exactement la recherche, pour autant qu'on puisse l'expliquer ici, donc en quelques minutes, quels sont les grands enjeux à ce moment-là de la recherche nucléaire? Alors les grands enjeux, en fait, le graal des physiciens à ce moment-là, ça va être la réaction en chaîne. Mais on hésite un peu à la nommer encore. Il y a d'abord un physicien allemand, Otto Hahn, qui va découvrir avec son collaborateur Strassmann, qui va découvrir la fission, c'est la première base, la fission nucléaire, c'est-à-dire la séparation des noyaux d'uranium pour faire vite avec un bombardement de neutrons. Et Fred Joliot-Curie va tout de suite penser à la réaction en chaîne, en tout cas l'écrire, le publier, dire que c'est possible. Et il déposera même un brevet qui concerne déjà la possibilité de fabriquer une arme. C'est d'ailleurs ça qui va tout de suite attirer les hommes politiques. Et donc voilà, on est dans cette espèce de course involontaire, parce que s'il y a une pression terrible, il y a la guerre qui arrive, les nazis sont là. Donc tout va s'accélérer et en même temps va redevenir un petit peu secret. Parce que ces scientifiques allemands, évidemment, qui travaillaient main dans la main avec les autres, là, vont être tenus un petit peu à l'écart, sauf ceux qui s'exileront, mais il y a toujours, on revient dans de la méfiance qui n'existait pas forcément avant. À ce moment-là, pour Irène et Frédéric Joliot-Curie, à quoi doit servir cette formidable énergie atomique qu'ils sont en train de mettre au point? Pour eux, c'est l'énergie civile d'abord, ou c'est ça leur objectif? Oui, bien sûr, dès le départ, ils sont pas fous, évidemment, ils savent bien les applications qui pourront peut-être en dériver, mais pour l'instant, Irène, elle n'a qu'à l'esprit les bienfaits médicaux de la radioactivité, l'énergie nucléaire pour les transports. Ils sont pas naïfs non plus. Ouais. Ils savent bien que les politiques sont à l'affût, et quand on est en temps de crise, comme on va l'être, comme on l'est déjà d'ailleurs, évidemment, des informations, des découvertes comme ça ne peuvent pas être laissé aux mains des seuls scientifiques, et ils sont vraiment entre deux eaux, et toute la guerre ça va être comme ça, quoi. C'est la culpabilité mais ce sont pas les premiers, de grands savants qui découvrent des armes de destruction et qui finalement ont peur que ça se retourne contre leurs objectifs premiers. Et le grand enjeu donc à ce moment-là, ça va être d'éviter à tout prix de laisser l'énergie atomique aux mains des chercheurs nazis. Oui, voilà, parce que on ne sait pas très bien où ils en sont. Et évidemment, on n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se produire si les nazis l'avaient eu avant le monde occidental. Merci Hervé Bruno. On poursuit cette discussion, si vous êtes d'accord, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1940, Irène Joliot-Curie et la bataille de l'eau lourde, un texte d'Hervé Bruno, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Christophe Hoquet. Une nouvelle guerre. Ces hommes irresponsables n'en ont pas eu assez. Qu'en penserais-tu, maman? Une drôle de guerre, voilà ce qu'ils disent. Comme si la guerre pouvait être drôle. Quand nous étions ensemble sur le front, je me souviens du bruit des bombes, de tes mains brûlées qui ne cessaient de porter secours aux blessés. Et ça recommence. La guerre est-elle éternelle? La nature humaine est-elle irrécupérable? Non, maman, je suis sûre que si tu étais toujours là, tu me murmurerais: ma reine, mon Irène, il est interdit de capituler, remets-toi au travail. Tes expériences sur la fission nucléaire sont fondamentales pour l'avenir de l'humanité. Ne faiblis pas, ne faiblis jamais. Tu es une Curie, toi aussi. Tu serais fière de nos recherches, tu sais. Nous allons prendre en charge à notre façon notre part de la guerre, Fred et moi. Oui, je suis une Curie. Je ne resterai pas passive alors que ces nazis arrogants veulent piétiner notre civilisation. Février 1940. Irène et Frédéric Joliot-Curie ont dû se résoudre à scolariser leurs enfants, Hélène et Pierre, en Bretagne, loin des menaces qui pèsent sur Paris. Malgré la tuberculose qui la ronge, Irène maintient vaille que vaille ses recherches à l'Institut du Radium, qu'a dirigé sa mère Marie Curie pendant 20 ans. En septembre, Hitler et Staline ont fait main basse sur la Pologne. La Norvège est une cible prochaine pour la Wehrmacht. Mais la Norvège de 1940 détient un produit crucial pour le monde libre, un stock d'eau lourde que seule une usine accrochée à une montagne farouche est en mesure de fabriquer. L'eau lourde est fondamentale dans les expériences de physique nucléaire. Elle peut permettre la réaction en chaîne, la quête suprême des savants de l'époque. La course à la bombe atomique est lancée. Du côté des Alliés, on ne sait pas très bien où en sont les Allemands dans leur recherche. On craint le pire. Irène et Frédéric Joliot-Curie mènent avec leurs équipes respectives le peloton des chercheurs internationaux. J'ai relu la dernière lettre d'Hélène hier soir, j'ai failli pleurer. Il me manque. Tu crois qu'on trouvera bientôt quelques jours pour aller embrasser les enfants ? J'aimerais bien. Difficile de faire des prévisions en ce moment. Peut-être qu'il serait plus simple de les faire venir à Pâques. C'est si loin, Pâques. Oh, mais j'en peux plus de cette chanson. Que veux-tu ? Il faut bien soutenir le moral du peuple. Ah mais le moral du peuple, tu parles, il y a longtemps qu'il est au plus bas. Tu n'as pas l'air très confiant dans les capacités de résistance des Parisiens. On sent plus la trouille à plein nez que l'envie de résister, non ? Comme c'est parti, les Allemands n'auront même pas besoin de nous bombarder pour rentrer dans Paris. Plus qu'une question de jour. Alors mon Irène, ils ont encore du chemin à faire sur nos belles routes de campagne avant d'apprendre aux écoliers à réciter Mein Kampf. Tu anticipes ? T'es pas drôle. J'anticipe peut-être, mais si on fait semblant de croire que c'est la ligne Maginot qui va les arrêter, ou l'armée belge peut-être ? Et la Suède qui croit que sa neutralité la protège. Comme si personne ne se rendait compte de rien. Mais si, Irène. On ne pourra rien faire sans nos alliés. On ne les entend pas beaucoup, hein, nos alliés. Dis, mon chéri, tu laisseras pas le ministre t'embobiner avec des alibis de diplomatie ou de je ne sais quoi. Hein ? Chaque jour compte pour récupérer l'eau lourde. Tu me connais un peu, non ? Ne t'inquiète pas. Dautry n'a sûrement aucune intention de la laisser tomber dans leurs sales pattes. En tout cas, je ferai tout pour l'en convaincre. Il a déjà notre dossier entre les mains. J'espère qu'il comprendra l'enjeu de nos recherches. Mais en temps de guerre, ils comprennent vite, va. Mais ils ne pensent plus qu'aux armes. Nous ne sommes pas là pour leur fournir des moyens de destruction. Hein ? Tu le lui diras aussi, n'est-ce pas ? Ah, ma chérie. Garde ton calme, hein, promis. Ne sortirai pas de son bureau sans un accord. Tiens, mets ce plaid sur tes épaules. Tu veux une autre tasse de thé ? Oui, je veux bien. Je suis très calme, Fred, hein ? Juste un mauvais pressentiment. Ça va aller, sérieux. Tiens, ça passe aussi vite que c'est arrivé. J'ai dû prendre un peu froid au labo. Ouais. Tu viens me voir à l'institut dès que tu sors du ministère ? Mais oui, mon amour. Je viendrai aussitôt au rapport. Arrête ! Tu sais bien que ça compte pour moi. C'est pas quand les nazis seront en Norvège qu'il faudra se décider. Tiens. Ça va te faire du bien. J'aime ton impatience. Dis donc, tu sais que ça compte pour moi aussi. Hein. Dautry, il ne faut pas le brusquer. Mais il réagit vite. Repose-toi un peu, si tu veux, avant d'aller au labo. Me reposer pour un petit rhume ? Sûrement pas, monsieur Joliot-Curie, sinon tu n'aimerais pas mon impatience. Allez, serre-moi juste dans tes bras. Je pars avec toi. Frédéric Joliot-Curie est reçu par Raoul Dautry, ministre de l'armement dans le gouvernement d'Aladier. Ils échafaudent un plan rocambolesque pour récupérer le stock d'eau lourde de l'usine norvégienne de Norsk Hydro. Dautry présente à Joliot-Curie le lieutenant Jacques Allier, banquier et diplomate dans le civil. Allier est chargé de mener le commando qui doit s'acquitter de cette mission. Dès qu'il a atterri à Oslo, fin février, Allier se rend à la légation de France, discrètement accompagné par trois officiers de renseignement, Müller, Mossé et Knall de Mars. Le directeur de Norsk Hydro lui facilite l'accès à l'eau lourde. L'opération se déroule sans anicroche, ainsi que le retour sous la neige vers Oslo. Mais la présence d'espions allemands dans les alentours de la légation de France ne fait aucun doute. La dernière étape, l'exfiltration du produit Z, nom de code de l'eau lourde, s'annonce la plus incertaine. Les lignes aériennes vers Paris sont surveillées par l'ennemi. Alors que les instructions des services secrets français n'arrivent toujours pas, Jacques Allier met au point un stratagème. Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le capitaine Müller est en train de coder des messages dans la chambre. Ah, mais laissez-le faire, je m'expliquerai son rôle plus tard. Alors ça y est, on se tire enfin. Oui, moi aussi, on peut plus attendre. Je me suis rendu plusieurs fois à l'aéroport, j'ai remarqué deux types qui ne me lâchaient pas d'une semelle. Bon, voici comment nous allons procéder. J'ai repéré que les avions pour Édimbourg et Amsterdam décollent quasiment à la même heure de l'aéroport. Il faut absolument qu'on berne les Boches. Leur faire croire que Z est embarqué dans l'avion d'Amsterdam avec vous, Knall de Mars, alors qu'il sera avec Mossé et moi dans l'avion pour l'Écosse. Et Müller ? Müller restera à la légation. Knall de Mars, vous le rejoindrez plus tard. Vous arriverez d'abord en taxi, au dernier moment, avec les bidons de produits Z dissimulés dans des sacs postaux. Vous ferez semblant de prendre l'avion pour Amsterdam et vous en redescendrez discrètement. Et Z, il en fait quoi ? Laissez-moi terminer. Knall de Mars aura demandé aux bagagistes de charger les sacs dans l'autre avion. Les Boches ne s'en rendront pas compte depuis le hall, le jour sera à peine levé. Vous avez pigé ou je recommence ? Non, je crois que ça rentre, mon lieutenant. Un détail. Si les Boches consultent la liste des passagers, ils vont vite voir que Knall de Mars ne part pas pour Amsterdam. Mais j'y ai pensé, j'ai réservé des places sur les deux vols. Pas mal, patron, pas mal. La seule chose que je regrette, c'est qu'on soit pas là pour voir leur tronche quand ils auront compris l'entourloupe. Réussissons d'abord à les entourlouper, les gars. Allez, rassemblons toutes les affaires et planquons Z dans les sacs. Nous quittons la légation demain à 7h, j'ai prévu l'attaché d'ambassade. Ok. Non, ça peut oublier quelque chose dans le taco. La vache, ma serviette. Merci, Mossé, vous me sauvez. Je perds la tête ou quoi là-dedans? Il y a tous les papiers de la cession du produit Z par la Norvège. Surmenage, patron. Vous verrez. On en rigolera bientôt autour des bonnes Guinness dans un peuple d'Édimbourg. Puissiez vous dire vrai, Mossé. J'admire votre bonne humeur, mais restez concentré. Bon, on passe le plus vite possible à l'enregistrement et on file sur les pistes. Allez. Vous avez senti, mon lieutenant ? Quoi, Mossé ? Qu'est-ce que j'ai senti ? Les Boches, mon lieutenant. Les Boches dans le hall de l'aéroport. J'ai le nez pour ça. Rien vu de suspect. Le manteau noir et l'imper beige, près du kiosque journaux. Bravo pour votre flair, Mossé. L'expérience, plutôt. De toute façon, ils s'en doutent bien qu'on est au courant de leur présence. Sinon, on pourrait pas les berner, n'est-ce pas ? T'as vu comme ça ? N'accélérons pas. Nous sommes censés être sereins. Bon sang, il manquerait plus que Z n'arrive pas à temps. Il commence à enlever les cales des roues de notre avion. Knall de Mars ne va pas tarder. Regardez, c'est lui, c'est son taco, c'est sûr. Ils vont le trouver un peu lourd, le courrier, les bagagistes norvégiens. Ça va les réchauffer. Dès que ces maudits bidons seront chargés dans notre coucou, nous monterons tranquillement. On a un chien, si ça marche... On pourra lui décerner l'Oscar à Knall de Mars. Évitons de le regarder. Oui. Vous avez du feu ? C'est pas le vent qui manque, hein, dans ce foutu pays. Vivement qu'on décolle. J'ai les mains gelées. Une petite averse de neige, ce serait pas mal, non ? Pour les embrouiller un peu plus. Par bouse d'Hitler. Ouais, il faudra pas que ça nous empêche de partir. C'est une drôle de tête, Mossé. J'espère juste que Knall de Mars et Müller n'auront pas trop d'ennuis. Les Boches vont être fumaces. Allez, c'est le moment, Mossé. On embarque avec notre passager clandestin. Le plan de Jacques Allier fonctionne. Les Allemands mordent un hameçon. Une escadrille de Messerschmitt détourne en plein ciel le vol Oslo-Amsterdam vers Hambourg. Mais aucune trace à bord du produit Z ni de Knall de Mars. Pendant ce temps, les bidons arrivés à Édimbourg sont transférés vers Londres. Le 16 mars, ils parviennent finalement sous bonne garde à Paris, au Collège de France, dans le laboratoire de Frédéric Joliot-Curie. Il était temps, les Allemands envahissent la Norvège le 9 avril. Les forces alliées parviennent alors reprendre le port stratégique de Narvik, mais s'en retirent dès le 8 juin. L'opération Weser-Übung, invasion simultanée de la Norvège et du Danemark, première confrontation directe entre Hitler et les Alliés, vient de tourner à l'avantage du Führer. L'invasion de la Scandinavie n'est qu'un nouvel encas pour l'armée allemande. Le plat de résistance s'appelle France. Pour élargir le front, les Allemands marchent sur les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Le périple du produit Z est loin d'être terminé. Il faut maintenant l'évacuer loin de Paris. Je le sais, Fred tente de ménager en parlant de quitter Paris sans moi, si la situation l'exige. Il voit bien que je ne suis pas très en forme pour le suivre. Et le médecin s'y met, lui aussi. Une anémie, soi-disant. Oui, d'accord, une anémie, et après ? C'est quand même pas une fatigue passagère qui va m'empêcher de travailler. Qu'ont-ils donc tous, là, à vouloir prendre soin de moi ? Je suis pas en porcelaine. Bien sûr, il y a les enfants. Plus nous descendrions vers le sud, plus nous nous éloignerions d'eux. Je me rassure en me disant qu'ils sont en de bonnes mains. Je vais leur écrire, ils comprendront. Oh, ma grande Hélène, tu sais déjà que la défense de notre liberté et de notre dignité passe avant tout le reste. Je n'aurais pas grand mal à te convaincre. Je me sentirais inutile si je restais seule à Paris. La force de notre propre combat, c'est de poursuivre nos recherches, n'importe où, ensemble, coûte que coûte. Le gouvernement d'Édouard Daladier est remplacé le 21 mars 1940 par celui de Paul Reynaud, mais le ministre Raoul Dautry conserve sa place à l'armement. Dautry et Joliot Curie ont choisi Clermont-Ferrand pour transférer l'eau lourde. Suffisamment au sud pour espérer un peu de répit en cas d'invasion allemande. Henri Moureux, le directeur adjoint du laboratoire de chimie nucléaire au Collège de France, est chargé de la convoyer jusqu'à la succursale de la Banque de France de Clermont-Ferrand. Le 18 mai, le maréchal Pétain devient vice-président du Conseil. Le 19, le général Végan est le nouveau commandant en chef des forces armées. Devant l'instabilité politique, le directeur de la Banque de France ne veut plus prendre en charge l'eau lourde. Moureux repart pour cacher le produit Z dans une cellule de la prison de Rion, au nord de Clermont-Ferrand. Avec l'inestimable gramme de radium légué par Marie Curie à sa fille Irène. Moureux en profite pour louer une villa qui pourra accueillir le personnel et le matériel du laboratoire. Henri Moureux revenu à Paris, on entasse comme on peut du matériel dans sa 302 et dans la 402 des Joliot-Curie. Fred, Irène et Henri prennent la route de l'Exode comme des milliers de Parisiens. C'est la débâcle. Les routes sont encombrées de charrettes, de vélos, de chevaux et de rares voitures. On ne peut pas continuer comme ça, mon chéri, on n'avance pas. Et puis toute cette misère. C'est la route la plus directe, Irène. On ne peut pas faire autrement. Je supporte pas de rester là, impuissante à aider ces pauvres gens. La vieille dame à gauche, là, regarde, celle avec les deux chiens noirs. On dirait qu'elle va faire un malaise. Mais il crève de soif, ce bébé, c'est inhumain. À gauche, là, là, sur la carriole, là, sous le parapluie. Il a l'air congestionné. Il est tout rouge. Mais il faut absolument qu'on s'arrête pour lui donner un peu d'eau. Ma chérie, si on s'arrête, on va être coincé. Et Henri ne va rien comprendre. Nous devons absolument continuer à suivre la file des voitures. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Les Stukas. Tu les vois ? Ils vont nous mitrailler. Non, je ne sais pas. On dirait qu'ils se contentent de nous observer pour le moment. Ça le faut autour. Je vais prendre une autre route dès que possible. Ça devient trop risqué. À Clermont-Ferrand, Irène, Fred et Henri retrouvent avec plaisir Hans Halban et Lev Kowarski, les collaborateurs de Fred. Le bric-à-brac compressé que transportaient les voitures prend sa place dans le garage de la villa Clairlogis, sur les hauteurs de Clermont-Ferrand. Il est temps de récupérer l'eau lourde à Rion. L'armée a escorté une grosse quantité d'uranium et de graphite que Joliot avait également demandé à Dautry. Elle est entreposée dans une dépendance de la villa. Fred a hâte de reprendre des expériences commencées à Paris avec une sphère d'aluminium qu'il a lui-même bricolée pour obtenir une répartition uniforme entre l'eau lourde et la poudre d'uranium. Le 14 juin, les scientifiques de la villa Clairlogis apprennent avec consternation que les Allemands viennent d'entrer dans Paris. La capitale a été déclarée ville ouverte. Le même jour, le gouvernement s'est réfugié à Bordeaux. Le 16 juin, Philippe Pétain devient président du Conseil. Jacques Allier arrive en voisin du Mont d'Or, où s'est brièvement reconstitué le cabinet technique du ministère de l'Armement. Il salue les époux Joliot-Curie, puis les entraîne dans le jardin. Et qu'est-ce que c'est que ce raffut ? Les abeilles ? Bah oui, elles s'en donnent à cœur joie dans le tilleul, une vraie ruche. Une gauloise ? Non, merci Jacques, pas pour moi, il vaut mieux que je ménage mes poumons. Des nouvelles des enfants ? Oui, ça a l'air d'aller. Mais ils sont toujours pudiques dans leurs lettres. Pas le genre à se plaindre. Cette famille, non ? Jacques, excuse-moi, mais ne tourne pas autour du pot. Ne nous dis pas que tu es là par hasard. Que se passe-t-il de pire que nous ne connaissions déjà ? D'accord, venons-en au fait. Bon, je ne sais pas si vous le savez, mais la chute de Paul Reynaud vient d'entraîner celle de Dautry. Ah, la tuile. Oui, il fallait s'en douter. Il ne pouvait pas rester dans ce gouvernement de défaitistes. Comme tu dis. Alors voilà, si je suis ici, c'est pour vous convaincre de rejoindre l'Angleterre avec le produit Z. Et il n'est plus à l'abri nulle part en France. Les services secrets allemands ne tarderont pas à retrouver sa trace. Et nous sommes plusieurs à être persuadés que Pétain va demander un armistice. Une grande partie du pays va être occupée. Un armistice. Je suis sidéré de la vitesse à laquelle nous capitulons, mais quelle honte! J'ai rarement vu Fred aussi abattu. Et Jacques Allier aussi tendu. Heureusement que je ne suis pas restée à Paris. Fred a vraiment besoin de moi en ce moment. Hier soir, il a été plus tendre qu'il ne l'avait été depuis des mois. Ce matin, notre promenade sur les sentiers du puits Montaudou lui a fait du bien, je crois. Mais il ne cesse de ruminer cette histoire d'Angleterre. Les enfants pourraient nous y rejoindre, Jacques nous l'a proposé. Fred se refuse à laisser nos labos aux mains des nazis. Il a peur qu'ils détruisent son matériel. J'ai épousé un capitaine qui ne veut pas quitter son navire. Fred est persuadé que les Allemands finiront par être chassés. Il faut tenir jusque-là. Il a peut-être raison. Moi aussi, ça me ferait l'effet d'une désertion si je fuyais mon pays. Maman n'aurait jamais quitté son labo, elle non plus. Et puis la famille maternelle de Fred a connu l'occupation prussienne en Alsace. On ne s'enfuit pas, on résiste sur place. À l'aube du 17 juin, il faut reprendre la route pour les Joliot-Curie et leurs proches collaborateurs. Direction Bordeaux, tant qu'un semblant d'État français s'y trouve encore. Fred doit à nouveau renoncer à son expérience nucléaire fondamentale. Il ne peut pas aller contre un tel ordre d'évacuation du produit Z. Son cas personnel est secondaire. Halban, Kowarski et leur famille partent les premiers dans la camionnette du laboratoire avec les bidons d'eau lourde. Moureux et le couple Joliot-Curie suivent dans leurs voitures respectives. Irène a rechuté, elle a toussé toute la nuit. Elle sait qu'elle risque d'être un poids pour ses collègues. Pour une fois, c'est elle qui a demandé de rejoindre un sanatorium construit en pleine forêt du Périgord, la cité sanitaire de Clairvivre, dont elle a connu le directeur à Paris. La route est interminable, souvent chaotique, le soleil impitoyable. Fred promet de revenir la chercher au plus vite. Après cette halte, Fred et Henri arrivent à Bordeaux en pleine nuit et dorment dans leur voiture. Au petit matin du 18 juin, Fred frappe à la porte d'une école primaire où s'est replié le ministère de l'armement. Kowarski les accueille dans une pièce où plusieurs hommes, dont Jacques Allier, écoutent la radio dans un halo de fumée. La direction du gouvernement de la France. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu parles. Vous n'êtes pas au courant? Pétain a appelé à la cessation des combats. Bon sang, nous étions tous sûrs qu'il allait se coucher devant Hitler. Les Boches vont avoir les mains libres pour récupérer Z. Qu'en avez-vous fait? Ne te fais pas de billes. Il est sous bonne garde dans la cave. Pas mécontent de vous revoir. Comment va Irène? Ça devrait bien se passer. Nous l'avons déposée dans un sanatorium en Dordogne. Excuse-moi, Kowarski, je te l'emprunte. Sincèrement heureux de te savoir ici, mon vieux. Viens, faut que je te présente quelqu'un. Le type qui a les pieds sur le bureau là-bas, c'est un British. Non, on peut rien te cacher. Attention, allure décontractée, mais pédigré long comme le bras. Sa tête me dit quelque chose. C'est aussi un scientifique, non? Oui, chimiste, secteur explosif et poison. Lord Suffolk? Professeur Joliot-Curie, c'est un honneur. Enchanté. J'ai suivi tous vos travaux et ceux de votre épouse, bien sûr. Charles Henry George Howard, 20e comte de Suffolk, 13e comte de Berkshire, membre de la Chambre des Lords. Je vous en prie, monsieur Allier. Épargnez à notre invité ces guirlandes protocolaires. Cher professeur, le temps presse. Je n'irai pas par trois chemins. Je suis envoyé par mon gouvernement pour récupérer l'eau lourde. Votre fameux produit Z, et l'a convoyé jusqu'à Londres. Sauf votre respect, monsieur, elle y était déjà il y a quelques semaines, à Londres, quand Jacques l'a transférée de Norvège. Oh, such a waste. En effet, monsieur Joliot-Curie, la cohérence n'est pas toujours la vertu qui domine dans l'urgence de la guerre. Non, ce retour pourrait être cocasse si la situation n'était pas si alarmante. J'ajoute que j'ai pour mission de convaincre le plus grand scientifique français de l'accompagner, cette eau lourde. Merci pour le qualificatif élogieux, monsieur. Il me va droit au cœur, mais Jacques a dû vous en parler. J'ai déjà pris position sur ce sujet. Je n'abandonnerai pas mon laboratoire. Monsieur Joliot-Curie, entre gentlemen, il n'est aucune difficulté qui ne finisse par s'aplanir, n'est-il pas? Asseyez-vous donc, je vous en prie. Vous ne m'avez pas dit comment se porte madame votre épouse. Elle ne vous accompagne pas? Je vous croyais, comment dites-vous, indissociable. Frédéric Joliot-Curie tient bon face à Suffolk, malgré les arguments de plus en plus autoritaires de ce dernier. Non, il ne rejoindra pas l'Angleterre. Définitivement non, c'est en France qu'il veut résister. Dans cette période de transition, les hauts fonctionnaires qui travaillent au ministère de l'Armement hésitent sur le parti à prendre. La plupart sont restés fidèles aux idées du ministre Raoul Dautry. Ils veulent expédier l'eau lourde au plus vite en Angleterre, en s'appuyant sur un ordre de mission daté du 16 juin, juste avant la prise de pouvoir de Pétain. Puisque Joliot-Curie refuse d'être le gardien du produit Z, la tâche est confiée à Halban et Kowarski. Le 19 juin, ils embarquent avec Z dans le port de Bassins, au nord de Bordeaux, sur le cargo Broom Park, qui bat pavillon britannique. Nom de Dieu! Oh, c'est nous qui alarme! Mais alors que le bateau est encore à pied... Planquons nous sous les sacs de charbon! C'est bon, Hans. Je crois que c'est tombé dans l'eau. Oh mon Dieu, ils ont détruit un bateau de pêche. Je vais voir comment ça se passe dans les cabines. J'espère que les enfants vont bien. Ah, vous gênez pas, vous! Et cet abruti! Restez là, monsieur Kowarski. Lord Suffolk. Vos familles sont en sécurité. Ne craignez rien. Vous avez l'air de connaître le type qui m'a bousculé. Follow me, je vous prie. Je veux vous montrer quelque chose. Hé, hey, c'est lui, là. Le gars en costume, penché sur le bastingage. On dirait qu'il cherche quelque chose. Je vous le confirme, il cherche quelque chose. Vous voyez là, le petit radeau amarré au Broom Park. Eh bien, ce monsieur est le directeur de la vente de diamants d'Anvers. Il vérifie que le radeau et ses 3 millions de livres de diamants sont intacts. Hein? Mais pourquoi les avoir stockés ainsi? It's elementary, my dear. Fait-on dire un célèbre détective de chez nous. Beaucoup moins de chances de couler en cas de bombardement. Et sur l'autre radeau, là, sous la bâche? Comment? Vous n'avez pas encore deviné, monsieur Kowalski? Non, d'une pipe, c'est pas vrai. Z? Vous comptez acheminer les bidons comme ça? Tout de même pas jusqu'à Falmouth. N'exagérons pas. C'est seulement pour ici. Nous craignons une attaque dans le port. Ça y est, nous prenons la mer. Nous allons d'abord nous amarrer plus haut. Au cas où les Stuka auraient la mauvaise idée de revenir. C'est là que nous embarquerons définitivement notre précieux chargement. Des fumées noires obscurcissent le ciel. La ville de Bordeaux a été durement touchée par le bombardement. Armistice ou pas, les Allemands montrent qu'ils sont désormais les maîtres en tout point du territoire français. Personne ne connaît les informations dont ils disposent sur le Lourdes. Tant qu'elle ne sera pas arrivée à Londres, elle et ses gardiens resteront des fugitifs. La veille, le 18 juin 1940, l'ancien sous-secrétaire d'État à la défense du gouvernement de Paul Reynaud, Charles de Gaulle, a prononcé un discours sur les ondes de la BBC, appelant à poursuivre le combat. Dans l'immédiat, Fred ne réfléchit pas longtemps. Irène est à Clairvivre, alors c'est à Clairvivre qu'il se rend. Le sanatorium, conçu à l'origine pour recevoir les blessés du poumon de la guerre 14-18, s'est doublé d'un projet humaniste sans équivalent en Europe. Sa réputation de village social et technologique de pointe intrigue Fred. Le visage tout rouge de ce bébé de l'Exode m'obsède encore. Pourquoi la guerre sur nos enfants? Pourquoi ce changement de monde, cette brutalité d'un jour à l'autre? À Clairvivre, j'ai l'impression de vivre hors du temps. Beaucoup de malades m'ont reconnu, mais ils me laissent tranquille. Ils me pensent traquée par les Allemands, je ne suis pas très fréquentable. Les promenades en forêt que m'a conseillé le médecin me font du bien, je me sens renaître. J'ai pu reconstituer un laboratoire sommaire dans un ancien bureau que m'a prêté le directeur. Enfin me sentir à nouveau bonne à quelque chose. C'est comme ça que je continue la lutte, monsieur de Gaulle. Avec le retour de Fred, tout redevient possible. Il ne devait que passer, mais il a finalement décidé de rester avec moi. Il aide les garagistes à transformer les camions en gazogène. Un vrai gamin devant ses petites voitures. Viens par ici. Viens par ici, j'ai quelque chose à te montrer. Allez, mais donne-moi la main. Tu vas pas faire ton timide quand même. Hey, j'ai peur que tu m'entraînes au centre de la Terre. Je crois que je deviens un peu claustro. Pourquoi? J'ai une allure de spéléologue avec ma robe grise. Non, juste ta lampe de poche. Ah, il y a un interrupteur, mais comme ça on nous remarquera moins. Tiens là, aide-moi. Les charnières sont un peu grippées. C'est quoi ce truc? On est où? On est dans un local semi-enterré qui sert de débarras au service de radiologie. Mais suis-moi jusqu'au bout. Ça y est, j'ai compris. C'est là que tu as planqué le drame de radium. Oui, et regarde, j'ai emmené plein d'échantillons. Waouh. Et même un peu d'actinium, je te l'avais pas dit. Hein. Avec ça, on doit bien pouvoir arriver à quelque chose. Ah, je t'admire, ma grande chérie. Je me demande ce qui peut te résister quand tu veux quelque chose. Mmh. Pas toi, en tout cas, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, ça? Une invitation? On referme la porte à clé. Non, je veux pas risquer qu'on nous repère. Tu sais ce que certaines personnes croient? Que j'ai caché des produits radioactifs dans la morgue. Avec l'eau lourde, tant qu'on y est. Fred est incroyablement apaisé quand il entend cet accent alsacien autour de lui. Ça lui rappelle son enfance. Moi aussi, je me sens bien dans cette tour de Babel avec ses réfugiés de la guerre d'Espagne et ses Alsaciens qui ont fui l'occupation de leur région. Nous n'en parlons pas trop, mais nous sommes inquiets. Aucune nouvelle d'Alban et Kowarski, ni du stock d'eau lourde. Impossible de joindre Londres ou Paris, nous sommes coupés du monde. Je crois qu'avant tout, Fred est heureux que nous nous retrouvions à Clairvivre de cette façon, sur cet îlot futuriste, où les immeubles ressemblent à des transatlantiques échoués à flanc de collines. Les malades ne sont pas coupés de leur famille, les pavillons disposent de tout le confort moderne, les écoliers ont toujours l'air en vacances, dépaysement assuré. Nous savons tous les deux que ça ne durera pas, profitons-en. Même si le monde est en feu, même si les enfants nous manquent plus que jamais. La parenthèse de Claire Vivre va rapidement se refermer. Fred et Irène tournent en rond, loin de leur laboratoire. Un message d'Angleterre a enfin pu contourner la censure. Halban et Kowarski ont été intégrés dans une équipe internationale. Ils se demandent si l'eau lourde va enfin être inscrite à un programme digne de ce nom. Mais la bataille d'Angleterre trouble l'avenir des projets. La Luftwaffe pilonne la capitale britannique. De retour à Paris, Irène et Fred retrouvent Jacques Allier pour un rendez-vous secret dans un bistrot près de la Sorbonne. Jacques s'apprête à son tour à gagner Londres, où il est déjà connu comme émissaire du ministre d'Autry et héros de la récupération de l'eau lourde. Il a tenu à rencontrer le couple Joliot-Curie avant son départ. D'après mes sources, ça part vraiment dans le ciel de Londres. Mais la Royal Air Force devrait tenir bon. Il paraît que Churchill redoute surtout un débarquement allemand sur la côte. Les Anglais, au moins, ils ne signent pas d'armistice, pourvu qu'ils repoussent ces barbares. Et Jacques, que deviennent nos amis ? Kowarski et Alban ? Oui, et leurs femmes et leurs enfants. Ne vous en faites pas trop pour eux. Le gouvernement a aménagé des caves sous les bâtiments publics pour les savants et leurs familles. Que voulez-vous boire ? Une pression, merci. Oui, moi aussi, ça ira très bien. Deux pressions et un picombière, s'il vous plaît. D'abord, il faut que je vous dise, on parle de plus en plus de s'allier avec les équipes américaines pour travailler sur la réaction en chaîne. Mais c'est ce que je souhaite depuis le début, cette coopération. Je ne voudrais pas être trop insistant, mais ma proposition tient toujours. Nous avons besoin de chercheurs qui aient votre autorité. Après, il sera trop tard. Alors, il sera trop tard. Jacques, vos arguments n'ont pas changé. Écoute, je ne voudrais pas que nous nous fâchions. Tu as raison. Gardons notre énergie pour d'autres combats. Santé. Santé. Comment tu t'en sors au Collège de France avec les boches ? Pas compliqué. Le jour, je fais semblant de travailler à peu près normalement et la nuit, je détraque le cyclotron en coupant son système de refroidissement pour foutre en l'air leurs expériences. Pas très constructif, mais ça soulage. J'imagine. Au plus fort de l'occupation, Irène, dont la santé s'est aggravée, se réfugie en Suisse avec ses enfants, Hélène et Pierre. Elle se rend utile à la résistance en accueillant des savants étrangers qui fuient le nazisme. Quant à Fred, il occupe les nuits de son labo à confectionner de redoutables cocktails Molotov. Sentant croître le danger, il entre finalement en clandestinité. Le stock d'eau lourde, de son côté, n'en a pas fini de tisser sa mythologie. Les Britanniques préfèrent le transférer au Canada pour des raisons de sécurité. Les Canadiens ne le rendent aux Français qu'après la guerre. Facétieuse pirouette de l'histoire, Zoé, la première pile atomique française, fonctionne grâce à cette fameuse eau lourde enfin exploitée. J'observe Fred, impeccable dans son costume noir. Je suis sûre qu'il a envie de rire, lui aussi. Quand nous nous sommes enfermés ce matin dans le hangar qui abrite Zoé, pour pomper l'eau lourde dans la cuve de l'oxyde d'uranium, je n'arrive pas à savoir ce qu'il emportait de l'émotion ou de la frustration d'avoir perdu tant de temps. 8 ans déjà. Qui a autant voyagé que notre produit Z pendant ces années terribles ? Et le voici, aujourd'hui, ce sacré bourlingueur de Z, au cœur d'une cérémonie républicaine. Mieux vaut en rire, oui, mais d'un rire sans éclat. La guerre, Hiroshima, Nagasaki ont trop abîmé les espérances que nous avons portées. « 1940, Irène Joliot-Curie et la bataille de l'eau lourde » d'Hervé Bruneau, avec Irène Annelise Amburger, Fred Grégoire Mont-Saint-Jean, Jacques Allier Philippe Bautier, Fernand Mossé Yvan Cory, Lev Kowarski Gauthier Abou, Lord Suffolk Stephen Chagov. Bruitage Elodie Fiat, prise de son montage et mixage Valérie Lavalard et Sophia Dactib, assistante à la réalisation Manon Dubu, réalisation Christophe Hoquet. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Irène Joliot-Curie et la bataille de l'eau lourde avec mon invité Hervé Bruneau. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. As a child, I was scared of grey ghosts. Scared of grey ghosts. The ones I saw. Over now. It keeps me awake, believing they pray. heart has broken. Your patience and unspoken words make me feel like I'm unwelcome. If I had the choice, I'd end my way of life to misspend your time, but could you lend me your hand? Did you still wake the living dead brains? Even if I'm a dropout. Saturday du groupe Canine sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, à la technique Pierre-Yves de Rollin et Rémi Sistiaga. Programmation musicale Thierry Dupin. Hervé Bruno, vous êtes donc l'auteur de la fiction que je viens de raconter. Qu'est-ce que ça fait d'entendre mis en onde le texte qu'on a écrit? C'est d'abord très émouvant. Et ensuite, je félicite toute l'équipe et les comédiens, le réalisateur au premier plan. Hein, vraiment, c'est... On s'y croirait. Merci pour eux. Avant de revenir sur l'histoire de la bataille de Lourdes, je vous propose, Hervé Bruno, d'écouter Irène Joliot-Curie elle-même, interviewée après la guerre en 1946. Dans les dernières années avant la guerre, il y avait une grande activité dans les laboratoires de physique nucléaire français et en particulier dans ce domaine de l'utilisation de l'énergie atomique. On sait comment ces travaux ont été complètement interrompus lors de la défaite, l'évacuation de Paris. Maintenant, je mentionne encore qu'il y a tout de même une part de participation française, même une fois que les travaux ont été interrompus en France, car les collaborateurs de M. Joliot, Alban et Kowarski, sont partis en Angleterre et ils ont joué un rôle important dans l'équipe anglaise. Donc la voix d'Irène Joliot-Curie en 1946, on comprend bien là en l'écoutant, la recherche nucléaire française qui était en pointe avant la guerre, eh bien elle a été ralentie par la guerre, par l'occupation, et pendant ce temps-là c'était la Grande-Bretagne et les États-Unis qui prenaient le relais avec les conséquences qu'on sait. Dans cette histoire, on se rend compte aussi qu'il s'en est fallu de peu quand même que les nazis mettent la main sur l'eau lourde et peut-être arrivent à fabriquer leurs propres bombes. Oui, mais on ne saura jamais, mais c'est vrai que cette menace planait. Et c'est cette menace qui a accéléré la mise à l'abri de l'eau lourde. Et donc, du coup, le fait que Fred et Irène Joliot-Curie ne suivent pas leurs collaborateurs, c'est vrai que la France n'était plus leader dans ce domaine, parce que le charisme de Joliot-Curie était très, très important. C'est pour ça qu'ils voulaient absolument les recruter dans leurs équipes, pour qu'ils carrément ils les dirigent, quoi. Et comment expliquer justement que Frédéric Joliot-Curie, Irène était malade, peut-être qu'on peut comprendre qu'elle voulait rester en France, mais Frédéric, lui, il aurait pu aller en Angleterre poursuivre les recherches. Pourquoi il a refusé? Alors, c'est un point tout à fait crucial, en fait, du parcours de Fred Joliot-Curie. Les biographes divergent parfois là-dessus. On peut dire que c'est parce qu'il y avait les enfants qui étaient encore en France, mais on leur a proposé d'exfiltrer aussi sa famille, donc c'est peut-être pas vraiment ça. Certains disent qu'ils pressentaient que la guerre allait être longue et ils ne voulaient pas laisser déjà les laboratoires aux mains des Allemands. Et il y a un troisième élément, en fait, qui est très important peut-être, c'est la notion psychologique. Lui, il était originaire, ses parents, du côté de sa mère, étaient alsaciens, protestants. Ils avaient vécu l'invasion prussienne en 70. Ils étaient restés sur place, tout en étant évidemment contre l'envahisseur. Et du côté d'Irène, c'est un petit peu pareil, cette psychologie, parce que Marie Curie est polonaise, et la Pologne a été envahie de tous les côtés, de tous les temps, par les Russes, par les Prussiens. Et donc, elle aussi, elle a cette mentalité de ne pas quitter la patrie. C'est une forme de, comme elle le dit, une forme de désertion pour eux. Alors, la bataille de Lourdes, là, on n'en a entendu en fait qu'un épisode, puisqu'elle ne s'arrête pas en 1940. Hein. Il va y avoir plusieurs épisodes, et notamment le point culminant, c'est l'explosion d'un ferryboat en février 1944, grâce donc à la résistance norvégienne qui va empêcher, qui va arrêter le transport de Lourdes vers l'Allemagne. Jacques Allier, on peut d'ailleurs le remarquer, Hervé Bruneau, c'est le grand-père d'Irène Frachon. Bon, ça n'a peut-être aucun rapport. Irène Frachon, qui est donc la pneumologue qui a mis au jour le scandale du Mediator. Jacques Allier, c'est quand même un sacré personnage aussi, hein, dans cette histoire. Oui, oui. Il est devenu un petit peu la nounou de cette Lourdes. Il a suivi son parcours un peu partout. Et c'est lui qui était le garant de son intégrité et qui supervisait un petit peu toutes ses opérations. Je vous propose d'écouter cette fois la voix de Frédéric Joliot-Curie dans un film qui s'appelle La bataille de Lourdes, qui a été tourné en 1948 par Jean Dréville, où Frédéric Joliot-Curie joue son propre rôle. La science, l'industrie, la civilisation pourront progresser à pas de géant lorsque nous saurons contrôler la désintégration massive de l'uranium. Mais il nous faudra encore beaucoup chercher. Mais un jour, nous serons maîtres de cette immense réserve d'énergie. Ce sera une ère nouvelle. L'humanité tout entière en profitera. Je sais. En ce mois d'avril 1939, l'horizon politique est sombre. Pourtant, non. Je ne refuse à croire qu'une telle conquête de l'homme sur la nature puisse servir à une œuvre de ruine et de mort. C'est étonnant, cette voix de Frédéric Joliot-Curie, ce discours, cette foi totale dans les bienfaits de l'énergie nucléaire. Évidemment, a posteriori, pour nous, ça semble un peu terrible. Oui, Fred et Irène, quand ils apprennent la nouvelle d'Hiroshima, ils sont en vacances, pour la première fois, je crois, depuis 1940, ils sont en vacances en Bretagne, là où ils aimaient aller, à l'Arc-Ouest, et ils sont complètement abattus hein, par cette nouvelle. Et après-guerre, Fred va être à la pointe, et elle aussi, hein, elle va même être arrêtée, Irène, aux États-Unis en 1948. Elle va passer une nuit en prison en tant que pacifiste. Fred va être à la pointe, il va être leader de plusieurs initiatives contre la bombe atomique. Il va être président du congrès mondial des partisans de la paix. C'est lui qui va lancer le célèbre appel de Stockholm aussi, qui va recueillir plus de 400 millions de signatures, justement, contre l'escalade dans l'armement, l'escalade nucléaire. Et en disant même que ceux qui s'en serviront, les pays qui s'en serviront, seront des criminels contre l'humanité, qu'ils provoqueront des génocides. Donc il est vraiment sans nuance là-dessus. Et il sait bien qu'au départ, il est évidemment mal à l'aise. Il savait forcément quelque part que ça pouvait dégénérer aussi. Il y a un élément important également qui entre en ligne de compte. C'est Frédéric Joliot-Curie, est membre du Parti communiste français depuis la guerre. Et à ce titre, il va d'ailleurs être révoqué du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui avait été créé en 1945 par De Gaulle, à l'insistance justement de Raoul Dautry et de Frédéric Joliot-Curie. Mais avec le développement de la guerre froide, cette position devient difficile pour Frédéric Joliot-Curie et également pour Irène. Voilà, mais en fait, ils sont encore une fois dans un porte-à-faux parce que par rapport au Parti communiste, le Parti communiste les désavoue parce qu'ils ont lancé cet appel de Stockholm qui quelque part va aussi contre les intentions de l'URSS. On est en train de développer des armes encore plus ahurissante et catastrophique que la bombe atomique. Il y a la bombe H, il y a la bombe thermonucléaire. Et donc, L'Humanité, le journal L'Humanité et Maurice Thorez critiquent, lâchent un petit peu Fred Joliot-Curie. Et de l'autre côté, voilà, c'est la guerre froide, on fait plutôt allégeance aux Américains. Et il est destitué de son poste quand même, là où l'avait nommé le général de Gaulle, de haut commissaire à l'énergie atomique. Et Irène, puisqu'ils sont toujours aussi soudés, il ne faut pas l'oublier, par solidarité, démissionne aussi de ce poste en 1950. Irène Joliot-Curie va mourir en 1956 des suites d'une leucémie grave, liée d'ailleurs à ses recherches sur le radium. À Clairvivre, donc pas très loin de là où vous vivez, Hervé Bruneau, à Périgueux, le souvenir d'Irène Joliot-Curie, je crois, est encore vivant en 2000, d'une manière un peu bizarre d'ailleurs, puisqu'en 2000, on a retrouvé, je crois, un taux de radioactivité surprenant. On a essayé de rechercher justement la cause de cette radioactivité anormale. Oui, c'est tout à fait étonnant, effectivement. Mais depuis 60 ans, il se produisait des choses anormales, des radios qui s'effaçaient, des inversions sanguines, puisque il y a l'hôpital qui est juste au-dessus du petit local qu'on évoquait dans la fiction, là, ouais. Où effectivement, donc, elle aurait caché des échantillons, hein, bien sûr. De quoi, d'uranium? De produits radioactifs, peut-être un peu d'uranium. En tout cas, il y a le gramme de radium de sa mère. Et, il n'y est plus, j'espère. Le gramme de radium, non, il n'y est plus parce que c'était sacré pour elle. Hein. Elle l'emmenait partout avec elle. Mais elle a fait deux séjours. Elle est revenue pour récupérer des affaires. Il est possible qu'une ampoule ait été brisée à ce moment-là. Et donc, on a recouvert cet endroit. Alors, des agents spécialisés sont venus, ont découvert la radioactivité. On a recouvert cet endroit d'une dalle hermétique. Mais voilà, le mystère subsiste toujours dans l'air de Clairvire, finalement, cette c'est légende. C'est le fantôme d'Irène Joliot-Curie. Exactement. Merci Hervé Bruneau d'avoir rappelé cette histoire étonnante. Votre roman Au plus cher de nos vies, qui donc rappelle ces événements et l'histoire plus personnelle du couple Joliot-Curie, est publié aux éditions Rouergue. Vous êtes l'auteur également de De l'or et des sardines, chez le même éditeur, et vous êtes aussi le créateur d'un festival de poésie qui s'appelle Ex-Poésie. Qui se déroule quand? Alors, 18e édition, ce sera du 5 au 23 mars 2019. Bon, on a un petit peu de temps pour le prochain. À lire également l'excellente biographie donc d'Irène Joliot-Curie de Louis-Pascal Jacquemont, publiée aux éditions Odile Jacob. Autant n'emporte l'histoire est terminé pour ce soir. Une émission que vous pouvez réécouter ou podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons en 1915 sur les pas d'Hortense, une jeune fille du Nord qui débarque à Paris en pleine Première Guerre mondiale, va découvrir l'amour dans les bras de Lucien et s'engager dans les luttes des femmes ouvrières. Je recevrai l'historienne Annette Becker. Hortense, une jeune fille dans la Grande Guerre, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais dans quelques minutes, après le flash, la nouvelle voix de France Inter que vous attendez tous, le charmant et talentueux Édouard Baer. Très bonne soirée sur France Inter.